Appuie donc sur le champignon. Appuie donc sur le champignon. Accélère dans ton camion. Madame Américaine, au prix du camion. La route est longue jusqu'à Memphis. La route est longue et ça glisse. La route est longue jusqu'à Memphis. La route est longue et tu ne la vois pas passer. Accélère, oh, je t'en prie. Accélère, appuie sur champignon. Accélère dans le bus 62. J'ai trop rêvé et vite oublié. La route est longue jusqu'à Memphis. La route est longue et ça glisse. La route est longue jusqu'à Memphis. La route est longue et tu ne la vois pas passer. Oh yeah. Numéro 62, les Saïs.